les enfants, vois-tu leur cœur qui frissonne quand le vent s'acharne et tourbillonne. Vois-tu leurs mains qui se tendent, si douces, si belles, dans ce monde austère. Entends-tu leurs prières quand le jour s'achève? C'est toujours les mêmes rituels pour éviter l'enfer. Combien faut-il de guerre avant de comprendre pourquoi tracer des frontières dans ces plaines et ces déserts? Pourquoi faut-il laisser parler les hommes ou laisser jeter des pierres? Faut-il laisser couler les larmes sur ces visages qui ont tant souffert? Thank you.